semaine aux amateurs de rock progressif. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et c'est Jimmy Farley qui va vous accompagner pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre quelques nouveautés, surtout du côté britannique. Notamment, on aura Damanek, qui est en fait une collaboration britannico-australienne entre des musiciens des deux pays. On aura The Advent, qui est un groupe américain. Alco Frisbass de la France, Human 2.0 des Pays-Bas, on a Seasons of Time d'Allemagne, on aura aussi L'Akésis d'Argentine, ensuite nous allons conclure l'émission avec le bloc consacré à Gong et Cripple Black Phoenix d'Angleterre. Gong, c'est une formation, disons, multinationale. Alors, le premier bloc de l'émission, comme d'habitude, est consacré à un album qui mérite notre attention. Et cette semaine, ben, c'est Damanek. Damanek, comme je le disais en entrée d'émission, c'est une collaboration australienne et britannique. Ce sont quatre musiciens, dont le principal artisan est Guy Manning. Guy Manning compose les chansons. Il est aussi membre de la formation The Tangent. Et il collabore sur cet album-là avec Sean Timms, un Australien qui fait partie de Southern Empire. C'est un groupe qu'on a entendu il y a deux semaines. Et Sean Timms faisait aussi partie à l'époque de Unitopia. Alors, il s'adjoint plusieurs musiciens. Donc, c'est une collaboration. En fait, comme je disais, Guy Manning lui compose, envoie les bandes à une coupe de musiciens invités. Il y en a une douzaine sur l'album. Et je rappelle que c'est le deuxième album qu'on va entendre aujourd'hui. L'album s'intitule In Flight. Le premier est paru l'an dernier. Il s'intitulait On Track. On en avait fait jouer à l'émission. Et on reprend ça cette année, surtout avec un In Flight que moi je considère, en tout cas je l'ai inclus dans mon top 15 des albums de 2018. Et In Flight, bien, c'est une compilation de 8 pièces pour 61 minutes. Et on a trois pièces extraites de l'album à vous proposer. La première, c'est The Crawler. Ensuite, on aura Big Eastern, Part 2 and 3. Alors, on y va tout de suite avec Damanek. Shake in the instant when you listen to that inner voice. on the pivot of the scale where you have no choice. In an hour there'll be nothing left of you. In a minute lost to everything you ever knew. In a second, a beat of your heart. We wait for the crawler. His many names and faces. A legend born in darker times. We wait for the crawler. As if he was invited. He speaks to us and taunts us from the back. the treetops to the floor. The footpath breaks, and the valley's no more. In the boiling lake, where the waves now breach the shore. Get on your knees. watching are planning a showdown. To already ride the wall. lorsqu'on vient d'entendre, c'est Damanek, une formation de collaboration entre un musicien britannique et un musicien australien. Le musicien britannique étant Guy Manning du groupe The Tangent et l'australien, c'est Sean Timms, qui, lui, nous vient de Southern Empire d'Australie. Alors, ils ont formé le groupe Damanek en 2017, et ce qu'on vient d'entendre, c'est le deuxième album In Flight, et on a trois extraits tirés de cet album-là. C'était Big Eastern Part 3, et auparavant, nous avions Big Eastern Part 2, et en début de bloc, The Crawler. Alors, après la pause, Advent des États-Unis et Alco Frisbass de France. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et c'est le deuxième bloc que nous débutons avec une formation américaine. C'est une suggestion d'un auditeur fidèle de Sherbrooke, Denis Marchand, que je salue bien bas. C'est un ami de longue date et il me propose souvent des groupes là, qu'il découvre et qu'il me fait découvrir parce que Advent, c'est un groupe que je ne connaissais pas. C'est un groupe de plusieurs musiciens qui ne sont pas très, comme je dirais bien ça, sont pas connus dans la faune du rock progressif parce qu'on ne les connaît pas ayant participé à d'autres groupes. Alors, c'est le projet d'un claviériste et d'un guitariste, là, de Henry Ptak et M. Benjamin aussi. Alors, eux autres, ils ont trois albums. C'est un groupe qui existe depuis 1989. Le premier album est paru 9 ans plus tard, en 1997, en fait, 89, 97, 8 ans. Et le deuxième album est paru en 2006, l'album s'intitule Cantus Firmus, c'est 9 ans plus tard, et 9 ans plus tard, c'est Silent Sentinel, le dernier en 2015, et c'est tiré de cet album-là qu'on va entendre la pièce-titre. Ça va être suivi d'une formation française, Alco Frisbass qui... qui a fait paraître il y a quelques mois son deuxième album. Ça s'appelle Le Battleur et on va entendre les cartes vivantes. Alors, on débute ça avec Advent. watchman, ever forward, never look back. Time-worn contours, contend from gray to black. So, how's the tale proceeding? Will it sell? Have you thought of an end? Make resolve, break resolve, foiled again, my own internal Fred Astaire. Alors, c'était Alco Frisbass, groupe français, avec la pièce Les cartes vivantes. Ça, c'est tiré de leur plus récent album, Le Battleur. Et auparavant, nous avions Advent, une formation américaine, et la pièce titre de l'album Silent Sentinel, paru en 2015. Alors, après la pause, on aura de la visite des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Argentine. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter le troisième bloc de l'émission, on va aller faire un petit tour du côté des Pays-Bas avec le groupe Human 2.0. C'est un nouveau groupe, une formation avec plusieurs musiciens. Ils ont plutôt une approche électronique. Ça tourne autour des claviers et des synthétiseurs. Et ils ont un album, s'intitule The Color Thinking, et on va entendre la pièce Savage, et ça va être suivi par un groupe allemand qui existe déjà quand même depuis une dizaine d'années, c'est Seasons of Time. Seasons of Time qui vient de faire paraître leur troisième album qui s'intitule Welcome to the Unknown, et on va entendre la pièce Toward the Horizon. Et pour conclure, on va transporter nos oreilles du côté de l'Argentine avec le groupe La Quesis. Ils ont un album homonyme paru en 2013 et on va entendre Hamakamatic. Alors on débute ça avec Human 2.0. Body filled the space in our brain. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au dernier bloc et avant de commencer la musique, j'aimerais vous rappeler que si vous cherchez les titres des chansons qu'on passe à l'émission, ben, je vous invite à consulter la page Facebook Rock de Neurones. Vous allez avoir la liste des groupes, des chansons et des albums. Et aussi, si vous le désirez, vous pouvez accéder grâce à un hyperlien à plus de 130 émissions archivées. Toutes des émissions de 2 heures avec la particularité, c'est qu'il n'y a presque pas de copies qui ont... C'est-à-dire, il n'y a pas de pièces qui ont joué plus que 2 fois, là, à peu près 5% seulement. Donc, des milliers de chansons de rock progressif depuis les années 70. Alors, on débute avec Gong, qui est une formation très connue, multinationale, surtout d'origine française, mais quand David Allen était là, ben c'est sûr que lui venait d'Australie. On avait une multitude de musiciens qui aujourd'hui bien, n'apparaissent plus sur le dernier album presque, là, en fait. Et puis, j'ai mis Gong à l'émission parce qu'on les attendait à Québec et Montréal la semaine prochaine, mais malheureusement, le spectacle a été annulé. J'ai gardé quand même une pièce qui nous provient du dernier album du groupe. C'est le 29e album du groupe. L'album s'intitule « Rejoice, I'm Dead ». Ce sont plusieurs nouveaux jeunes musiciens qui sont de la formation aujourd'hui. Personne du groupe original. Par contre, sur l'album, on a des participations. On a à titre posthume David Allen qui... apparaît sur une chanson de cet album-là. On a aussi des artistes invités d'origine, là, Steve Hillage, entre autres, à la guitare, et Didier Malherbe, que tout le monde connaît bien aussi, ceux qui ont suivi Gong. Alors, nous, on va entendre « The Unspeakable Stands Revealed ». Ça, c'est tiré des « Rejoice, I'm Dead ». Et pour conclure l'émission, bien, on aura « Crippled Black Phoenix ». C'est un groupe britannique qui ont quand même 10 albums en 10 ans. C'est quand même assez prolifique. Et le dernier, bien, c'est Great Escape. Et je vous propose la pièce Great Escape Part 2. Alors, on débute ça avec Gong. song to